ihr Mutes des guarit, quand eu a vos falsa clamur, des turs e des o maravit, qui vivum faestes des enos, que dator duns et fieus salsit, bien ende vum saver volur, que la fu Deu prime servi, et reconur, pur senur. Dio de ira, dum crestiens sunt es maies, les mustiers ars et desertets, deus mies mai sacrificiets, si vales que els vos purpensets, vos quid armes estes presets, a senui vos perpeserets, qui pur vos fut en nois treguets. Si olerirà al món, Ja nuve vis, qui plus ad che vus tenaves, ricerceis este vueste vis, sur vos altres escurunes, de quervitate braille vis, chastels e vides esides, direct unes manice vi, qui voi nos odem vos fenet. Vais diffident en signios, che mors suffrite passium, or vos mande che shanneneus, e lagen sanguine fedum, mut liudait de vide dreus, or lumen des fieredum. Tiro venida, ad ruais et reatum jormis, leserunt af libeceur, qui bien ferunt pur samu, irunt en selve soim servir, pur la venganse Deu fugir, per la fume prime servi, per reconur pur senur. Dio erida, quat legant pople legit, et ara un premina vest in er.